The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To resume. Reprendre. Delegate. Le délégué. Demands. La revendication. Surge. L'élan. Excessive. Inconsidéré. Now, a bit faster. Excessive. Inconsidéré. To resume. Reprendre. Excessive. Inconsidéré. To resume. Reprendre. Demands. La revendication. Surge. L'élan. To resume. Reprendre. Demands. La revendication. Delegate. Le délégué. Now, use the words in context. Le délégué. In middle school and high school, class delegates are elected by their classmates. Au collège et au lycée, les délégués de classe sont élus par leurs camarades de classe. Reprendre. Allow me to correct myself. I hope that the workers can obtain an increase in their purchasing power. Je me reprends. Je souhaite que les travailleurs puissent obtenir l'augmentation de leur pouvoir d'achat. L'élan. According to the witnesses, he violently beat her in a surge of anger. D'après les témoins, c'était dans un élan de colère qu'il l'a violemment battue. Inconsidéré. The careless remarks made by the CEO that night shocked the entire audience. Les propos inconsidérés tenus par le PDG ce soir-là ont choqué toute l'assistance. La revendication. The major problem was that the party's demands were unrealistic. Le problème majeur fut que les revendications du parti manquaient de réalisme. Reprendre. Allow me to correct myself. I hope that the workers can obtain an increase in their purchasing power. Je me reprends. Je souhaite que les travailleurs puissent obtenir l'augmentation de leur pouvoir d'achat. L'élan. According to the witnesses, he violently beat her in a surge of anger. D'après les témoins, c'était dans un élan de colère qu'il l'a violemment battue. Inconsidéré. The careless remarks made by the CEO that night shocked the entire audience. Les propos inconsidérés tenus par le PDG ce soir-là ont choqué toute l'assistance.